Benjamin Constant par Octave Aubry. Alfred de Vigny, le jour des obsèques de Benjamin Constant, notait sur son carnet « C'était un homme d'esprit supérieur. Il combattit toujours sans récompense ce que j'estime, mais je crois qu'il avait son but d'ambition très élevé qu'il n'a pas atteint. Il n'eût pas été satisfait d'être pair de France ou premier ministre. Peut-être lui fallait-il une république et en être président. Est-ce l'ambition seule qui gouverna cette vie agitée, confuse, traversée de si diverses images? Benjamin Constant était sans doute d'âme trop complexe et trop souple pour ne se donner qu'à une passion. Il fut surtout un pur intellectuel. Il a été le champ de bataille de ses idées et de ses contradictions. Sceptique, il essayait en vain de devenir homme d'action. Il a joué l'indifférent malgré un fond vrai de sensibilité. Il aimait la liberté et n'y croyait pas. Il n'a cessé de tromper et de se tromper parce qu'il a trop souvent voulu appliquer au monde réel ce qui n'est que du domaine de l'esprit. Benjamin Constant de Rebec, né à Lausanne en 1767, est d'origine française par ses ancêtres réfugiés protestants. Mais, d'éducation et de culture, c'est d'abord un Européen. Il fait ses études à Oxford, à Erlangen, à Édimbourg. Il vient à Paris à la veille de la Révolution chez Suard, médiocre académicien qui reçoit toute la société littéraire de l'époque. Le jeune Constant s'y polit, mais en même temps court les tripots. Dès cette époque et toute sa vie, il sera un joueur, ce qui l'entraînera des affaires d'argent assez déplaisantes, d'autant que ses prêteurs seront le plus souvent des prêteuses. Il fait alors la connaissance d'une femme déjà au retour d'âge, Madame de Charrière, néo-hollandaise, mariée à un Suisse, babble subtil, qui va influer d'une manière décisive sur son esprit. C'était, dit M. Dumont-Wilden, qui à l'occasion du centenaire de Constant en a écrit une vie digne en tout point de son élégant prince de ligne, à la NRF, c'était, sous les dehors d'une certaine grâce spirituelle, l'esprit le plus sec, le plus désabusé, le plus profondément pessimiste qu'on puisse trouver. Il y a en elle quelque chose d'une madame du défunt embourgeoisée. Pendant 7 ans, elle régna sur lui sans partage, achevant de dévaster ce qui pouvait rester de jeunesse dans ce cœur de 20 ans empoisonné par les livres. Revenu en Suisse, sur l'ordre de son père, Constant devient chambellan du duc. Il s'ennuie tant dans cette petite cour allemande qu'il épouse une fille d'honneur de la duchesse, Mina de Cram. Elle était laide, violente et capricieuse, a-t-il écrit dans le cahier rouge. Le ménage se disloqua au premier écueil. Bien plus que de sa femme, Benjamin s'occupe des événements de Paris. Il obéit même au rythme de la Révolution. Constitutionnel jusqu'à la fuite de Varennes, il devient ensuite girondin. Son idole, comme il dit, c'est l'honnête Roland. Mais à la suite de la trahison de Dumouriez, il se rallie un instant à la montagne. Car en dépit de son nom, Constant est, sera toujours le plus incertain, le plus oscillant des hommes. Son esprit est froid et net, sa pensée aiguë, mais il manque entièrement d'énergie. Rien ne le montre mieux que sa longue, orageuse, humiliante liaison avec Madame de Staël. C'était en 1794, qu'ayant tout à fait rompu avec sa femme et avec la cour de Brunswick, il s'attacha au char bruyant de la fille de Necker. Dur servage qui lui prendra 16 ans de sa vie. Ce n'est pas que Madame de Staël ait eu d'abord beaucoup de goût pour lui. Il lui parut même assez ridicule, dit M. Dumont-Wilden, avec sa longue silhouette un peu voûtée, ses épaules étroites, ses cheveux roux, son teint rose et ses petits yeux bleus clignotants. Mais sa conversation ailée, vraiment éblouissante, l'a conquis. Bien plus qu'une comédie de suicide où Benjamin se risqua pour la fléchir. Ce singulier ménage d'une virago de génie et d'un homme aussi faible qu'intelligent est assez connu pour que nous n'ayons pas besoin d'y insister. Il faut noter cependant, car la découverte est toute nouvelle, que ce n'est pas sa liaison avec Madame de Staël qui fournit à Benjamin Constant le thème du fameux Adolphe, l'un des romans psychologiques les plus profonds, les plus parfaits de notre langue. Depuis la publication par la Revue des Deux Mondes de sa correspondance avec Madame Lindsay, on ne peut plus douter qu'Éléonore, l'héroïne d'Adolphe, n'ait été cette Irlandaise charmante dont Chateaubriand lui-même a vanté l'attrait. Il l'a dit dans ses mémoires, élégante de taille, agréable de figure, avec de la noblesse d'âme et de l'élévation de caractère. Mais elle est assez sèche de façon. Ce roman est le seul que Constant ait écrit. Il attachait bien plus d'importance à ses ouvrages sur la religion, sur la politique constitutionnelle, à ses discours, à ses pamphlets. Il voulait être, il fut en somme, avant tout, un homme politique. Et à plusieurs reprises, il approcha vraiment le pouvoir. Bonaparte l'avait nommé membre du tribunat, mais son indépendance l'en fit éliminer bientôt. Constant retire à Weimar ou à Coppet, batailla par la plume, d'ailleurs non sans prudence, avec celui qu'il n'appelait plus que le tyran corse. Il salua avec joie la chute de l'Empire et dans le journal des débats, quoique libéral d'instinct et de doctrine, tombant sous l'influence de Madame Récamier et de Madame de Krudener, les femmes le domineront toujours, il soutint la cause des Bourbons. On sait avec quelle aisance Benjamin Constant changea de camp au retour de l'empereur. Le tyran le nomma conseiller d'État et le chargea de rédiger une constitution. Ce fut l'acte additionnel où Napoléon essayait, pour apaiser l'Europe et regagner la confiance de la France, de se costumer en souverain libéral. Hélas, 2 mois plus tard, c'est Waterloo, c'est l'abdication définitive de Napoléon. Louis XVIII revient de Gand. Nouvelle palinodie de Benjamin Constant qui écrit au roi une belle lettre, digne et émouvante, pour demander son pardon. Le vieux roi, si cultivé, fut sensible au morceau d'éloquence. Constant ne fut pas inquiété. Député en 1819, il montrera à la Chambre une éloquence brillante, une dialectique incisive. Il sera un grand parlementaire, mais il ne jouera jamais les premiers rôles. Il ne dirigera ni un cabinet ni un parti. Il sera le fournisseur d'idées de toute époque parlementaire où il exercera, sur ses assemblées où il ne fut jamais aimé, une influence secrète dont il jouira avec une délicieuse amertume. Il travaille beaucoup, mais s'use à l'excès dans le plaisir. Souvent, ses nuits s'écoulent dans les maisons de jeu. Il n'a pas atteint la soixantaine, qu'il est déjà un vieillard. Sa vie de désordre a prématurément desséché sa sève. Il n'était point estimé, mais on l'admirait. Il prépara la révolution de 1830 et fut des 221 députés qui offrirent la couronne à Louis-Philippe. Généreux pour une fois, le nouveau roi le nomma président du Conseil d'État et lui donna 300 000 francs pour payer ses dettes. Benjamin Constant accepta le présent, en réservant toutefois son indépendance politique. « Je veux rester indépendant, » aurait-il dit au roi, « et si votre gouvernement fait des fautes, je serai le premier à rallier l'opposition. » « C'est bien ainsi que je l'entends, » aurait repris le roi dans un sourire. La scène est élégante. Peut-être n'est-elle pas vraie. En tout cas, elle offre un digne épilogue à l'existence si contrastée de ce fils intellectuel de Rousseau, plein d'imagination, ingénieux et sceptique, partagé entre l'ironie, la tendresse et le goût du plaisir, qui réunit, sans doute, autour de son berceau toutes les fées, hormis celles qui devaient lui donner la vertu essentielle qui si rarement accompagne l'intelligence et sans qui rien de grand ne saurait se fonder, le caractère. C'était Benjamin Constant par Octave Aubry.